Je respire. La porte, la transpire, on en vit. Instoppable, définition en personne. Presque le temps sous mes ordres. Je rappe ma vérité dans les cordes. Les jours que Dieu me garde dans mon corps. Que j'aime, déteste, ma pierre, je la porte. Même au bout de mon job, j'entends les trash talk. Arcane, j'ai la plume de l'époque. Je trempe dans le vif, le reste n'est que frasque. Ce monde est sale comme ses gueules sous les masques. Comme ils disent, j'ai le swing parce que plaque. Sans espoir, j'ai le cœur plus dark. Sans espoir, j'ai le cœur plus dark. J'arme et je marche à l'effort dans ma soif d'envie. Et j'y mets le prix fort. Je prends un pari, frère. En guerre, même quand je parle de paix. Un nouveau jour, une nouvelle chance de m'impliquer. Avec Arkane, mes utopies et un briquet. Un jour, touche à tout, hors jeu, tout à coup. En tout cas, quand mon libre arbitre est sur ma touche. Car je la contre-vérité, alors statistique. La balle est dans mon camp, mais pas de façon balistique. L'allure posée, je cause pour ces gosses à part. Qui proposent une douleur d'une couleur rose à part. Besoin d'aide, mon frère, je passe qu'au revoir. Mais où est passé le rêve d'un certain pasteur noir. On sait pas se tenir, paraît-il. Qu'est-ce t'as dit? On m'a pris la tête, non, on a mis ma tête à prix. Un jour, un rêve, un jour, transparent. Mon rêve, présenter mon fils à ses grands-parents. Y'a pas de repère, même ma boussole crie au secours. Et puis pourquoi on me dit old school quand je parle de paix? Texte à God bless. Porté dans les jambes près des plaques de peste. Arkane, blacklist de bad test. J'marche à l'envi et le cœur reste. J'rappe lourd sans la phobie du lest. Loin d'être pisse à la DC Quest. J'rêve grand mais le cœur reste. Frère, même quand j'parle de paix. Inventeur de verbes vantards, en veux-tu en voilà. En voiture au là j'emmène les vendus en balade. Aïe. Tu me dis bien sûr, je te dis peut-être. Tu me dis peut-être, je te dis bien sûr. Histoire d'être sûr, d'être prise de tête. Casse couille, ouais, mais je casse pas tout. Je pas la clé du succès, je son passe partout. Pourtant, la poisse me regarde de près. Mais je garde l'espoir, man, quand je parle de paix. Comme dans les gestes, je la respire, frère. Frère, la porte, la transpire, vrai. Vrai, la garde et la prise, je le sais. Ouais, lui parle en envie. Mais comme dans les gestes, je la respire, frère. La porte, la transpire, vrai. La garde et la prise, je le sais. Lui parle en envie, mais je la respire, La porte, la transpire, la garde et la prise, Lui parle en envie, Écoute, frère, Parle dans la paix, parle dans la paix, Paix.